Bouygues Télécom. Nina de Niort n'a qu'une idée en tête pour cette nouvelle année. Un nouveau smartphone 5G. Ce serait nickel, oui, mais les promos de Noël étant terminées, Nina ne sait pas vers qui se tourner. Eh bien, Nina ne cherchait pas plus longtemps. Jusqu'au 5 janvier, c'est encore Noël chez Bouygues Télécom. Profitez de 100 euros de remise sur une sélection de smartphones 5G grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 60Go et plus. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 5G en cours de déploiement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. En 1980, paraît le deuxième volume de Capitalisme et schizophrénie. Son titre, 1000 plateaux. Ses auteurs, Gilles Deleuze et Félix Guattari. 8 ans après le premier volume, l'anti-Œdipe, leur objet est d'abandonner les principes, les débuts et les unités pour s'abandonner à la multiplicité. Cette multiplicité sera philosophique, anthropologique, mais aussi politique. Et son modèle, ce n'est pas la racine mais le rhizome, pas l'arbre mais l'herbe. Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode, ou un autre modèle. C'est celui de l'herbe. L'herbe, elle, elle pousse par le milieu. Bonjour Igor Kortolika. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Picardie Jules Verne d'Amiens, spécialiste de Deleuze, sur lequel vous avez publié un Que sais-je en 2015. Vous travaillez actuellement sur des questions d'écologie politique en croisant tradition des philosophes de la nature et philosophie politique. Comment l'idée du rhizome est-elle venue à Gilles Deleuze et Félix Guattari ? Ah, vaste question. Comment est-ce qu'elle leur est venue? Peut-être qu'on aura l'occasion de faire une hypothèse à propos de Georges-André Audricourt tout à l'heure. Qui est Georges-André Audricourt? Un anthropologue tout à fait original qui avait publié 2 petits textes dans les années 60 où on trouvera peut-être notre origine pour l'introduction du rhizome par Deleuze et Guattari. Alors on peut quand même signaler que ce texte rhizome de Deleuze et Guattari qui a rendu d'une certaine manière célèbre ce terme-là en philosophie du moins. C'est un texte qu'il publie en 1976 sous la forme d'un tout petit livre tiré à part, une petite plaquette, et qui va ensuite servir d'introduction à 1000 plateaux comme vous le disiez tout à l'heure. Et autrement dit, ce texte rhizome, il est publié pile au milieu entre l'anti-Œdipe qui sort en 1972 et 1000 plateaux qui est publié en 1980. Et on pourrait dire déjà que ce texte, Rhizome, apparaît à un moment charnière de la production commune de Deleuze et Guattari, où ils vont théoriser pour la première fois leur pratique de la philosophie, leur conception de la philosophie. Et non seulement ils vont la théoriser, mais ils vont essayer de mettre en œuvre cette conception qu'ils théorisent. Donc l'introduction ou l'apparition du terme de rhizome, qui va devenir un concept pour eux, leur permet quand même un projet d'une énorme ampleur qui est carrément de repenser la philosophie. Alors on pourrait dire que de ce point de vue-là, il faut faire un cas spécifique de la situation de Deleuze par rapport à Guattari. C'est Deleuze qui s'en explique d'ailleurs dans un entretien qui s'intitule « Dialogue » l'année suivante, où il dit que pendant les années 60, c'est-à-dire avant sa rencontre avec Guattari, il avait essayé de décrire une certaine image de la pensée, une certaine conception de la philosophie aussi, mais que jusque-là, il n'était pas parvenu véritablement à la mettre en œuvre. Voilà ce qu'il dit. « J'essayais dans mes livres précédents de décrire un certain exercice de la pensée, mais le décrire, ce n'était pas encore exercer la pensée de cette façon-là. De même, crier « Vive le multiple », ce n'est pas encore le faire. » Il faut faire le multiple. Et il ne suffit pas non plus de dire à bas les genres, il faut écrire effectivement de telle façon qu'il n'y ait plus de genre, etc. Voilà qu'avec Félix, tout cela devenait possible, même si nous rations. Et d'une certaine manière, Rhizome, c'est le moment, charnière, je disais, où Deleuze sent qu'il est enfin possible, avec Guattari, d'exercer cette manière de faire de la pensée, cette conception de la pensée qu'il avait théorisée auparavant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Igor Kortolika, ce qu'est un rhizome, peut-être pour qu'on se figure justement ce lien avec la multiplicité que recherche Deleuze pour redéfinir la philosophie? Alors le rhizome, d'emblée, Deleuze et Guattari l'opposent ou le distinguent du moins de la racine ou de l'arbre. La racine ou l'arbre, c'est une plante qui se développe suivant un axe vertical. C'est un système arborescent qui est hiérarchisé avec un haut et un bas et qui, disons d'une certaine manière, suscite l'image en philosophie du fondement et de la hiérarchie, des racines jusqu'au fait de l'arbre. Tandis que le rhizome, c'est un type de plante ou de végétal qui, au lieu de se développer de manière verticale, prolifère de manière horizontale. Et les systèmes rhizomatiques, par exemple les pommes de terre, l'igname, le manioc et d'autres types de rhizomes et de tubercules, forment des systèmes, disons, qui sont dépourvus de centre et donc qui vont susciter pour Deleuze et Guattari l'idée, ou en tout cas qui peuvent servir de modèle pour des multiplicités acentrées, dépourvues de centre, et anarchiques, dépourvues de hiérarchie. Comment Deleuze et Guattari alors en sont venus à tomber peut-être sur ce modèle du rhizome? Est-ce que c'est la rencontre avec André-Georges Audricourt, l'anthropologue que vous évoquiez, Igor Kortolika? Probablement, très probablement. Alors on peut tout de même dire que ce qui rend cette rencontre peut-être possible, c'est aussi la prégnance dans l'histoire de la philosophie occidentale du moins, du schème ou du modèle de l'arbre. Hein, on peut penser par exemple à la fameuse lettre préface au principe de la philosophie de Descartes en 1646, où Descartes présente la connaissance suivant ce fameux modèle de l'arbre, lorsqu'il dit « toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. » Et on sait que Descartes, c'est ce que suggérait l'extrait de Deleuze qu'on a entendu tout à l'heure, Descartes est aussi celui qui a conçu la philosophie comme une entreprise qui consistait, ou qui réclamait du moins, de repartir de zéro, de recommencer. C'est tout le projet, notamment des méditations métaphysiques. Alors, c'est en réaction, disons, à cette conception de la philosophie, qui consiste à partir de zéro, recommencer, c'est-à-dire trouver des racines qui soient certaines, un fondement qui soit certain pour la philosophie. C'est en réaction à ce projet-là que Deleuze et Guattari ont probablement identifié dans le rhizome la possibilité de proposer un autre modèle pour le savoir, ou du moins pour la pensée. Quel est véritablement le problème, en fait, avec cette manière de philosopher en voulant tout reprendre à zéro, en pensant par principe sur le modèle de l'arbre? Qu'est-ce qui leur semblait problématique à Deleuze et Guattari dans cette manière de modéliser la philosophie? Il y a toute une variété de concevoir ce que c'est que la philosophie et la manière dont elle s'oriente, disons. Alors, j'ai cité la nécessité d'un commencement premier et d'une recherche du vrai chez Descartes. On pourrait en citer d'autres, en réalité. L'enquête sur les principes de la connaissance et de la morale dans une tradition empiriste, le tribunal de la raison chez Kant, l'idée d'un savoir absolu chez Hegel, et ainsi de suite. Le problème pour Deleuze et Guattari de ces différentes conceptions de la philosophie, c'est que ces différentes images de la pensée se ramènent toutes d'une certaine manière à une conception de la philosophie qui cherche un fondement. Et le problème de cette conception-là, c'est que c'est une philosophie qui se prive des moyens de penser le mouvement, la diversité des choses et en réalité la nature même de l'expérience. Au fond, si on devait dire quel est l'intérêt ou quel est l'enjeu du rhizome, c'est tout simplement le fait que c'est seulement sous les conditions de la multiplicité du mouvement ou du processus que quelque chose peut être construit, peut être produit. Lorsque Deleuze et Guattari disent que l'arbre ou la racine inspire une triste image de la pensée qui ne cesse d'imiter le multiple à partir d'une unité supérieure, eh bien, ils disent tout simplement, en repartant du fondement, en se représentant l'entreprise philosophique sur le modèle de l'arbre ou de la racine, eh bien, on se coupe ou on se prive de tous les moyens de retrouver l'essence même de l'expérience qui est le multiple et le mouvement. Le refus de l'arbre, c'est le refus d'une d'une histoire de la philosophie qui se clôture sur elle-même, qui se referme, par exemple sur Hegel, et qui ensuite est une longue plainte sur la mort de la philosophie. Nous ne pensons pas du tout à la mort de la philosophie, nous pensons que la philosophie se fait, qu'elle est mouvement, et que même à travers d'autres cultures que la culture occidentale, sous d'autres formes, comme des formes de sagesse par exemple, la philosophie est quelque chose d'essentiel à l'existence humaine, et qu'elle ne, à ce titre, elle n'est pas réservée aux professeurs de philosophie dans les lycées, dans les universités. Écrire par slogan. Faites rhizome et par racine. Ne plantez jamais. Ne semez pas. Piquez. Ne soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicités. Faites la ligne et jamais le point. La vitesse transforme le point en ligne. Soyez rapide, même sur place. Ligne de chance, ligne de hanche, ligne de fuite. Ne suscitez pas un général en vous. Ayez des idées courtes. Faites des cartes et pas des photos ni des dessins. Soyez la panthère rose et que vos amours encore soient comme la guêpe et l'orchidée, le chat et le babouin. Écoutez, France Culture, on a entendu la voix de Félix Guattari, c'était sur Antenne 2 en 1989, puis on a entendu un extrait de l'introduction Rhizome à 1000 plateaux. Igor Kortelika, on entend dans les lignes qu'on a entendues lues par le comédien Vincent Schmitt un véritable manifeste, faites rhizome et pas racine, ne plantez jamais. Mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, faites rhizome et pas racine? On a bien compris l'idée de suivre le mouvement, la continuité, comme vous le disiez et comme le disait Félix Guattari, mais concrètement, comment on fait? Déjà, ça a l'avantage de nous laisser la possibilité de faire d'une diversité de manières. C'est déjà la question que posait Deleuze et Guattari lorsqu'ils écrivaient leur petit livre sur Kafka. Dès le début du livre, ils disaient « Comment entrer dans l'œuvre de Kafka ?» Et ils disent « C'est un rhizome, un terrier, on entrera donc par n'importe quel bout. Aucun ne vaut mieux que l'autre, aucune entrée n'a de privilège, même si c'est presque une impasse, un étroit boyau, un siphon. On cherchera seulement avec quels autres points se connecte celui par lequel on entre. » Et ainsi de suite. Cette méthode, d'une certaine manière, du rhizome, ils vont la reprendre et la développer dans le texte donc du même nom. Et donc c'est une méthode en un sens très particulier, puisque elle n'accorde aucun privilège à une entrée par rapport à une autre, aucune n'a de préférence. L'important est d'abord et avant tout, une entrée étant donnée, une entrée étant choisie pour une raison quelconque, d'essayer de tracer la carte, c'est-à-dire de se repérer à partir de cette entrée dans l'ensemble du territoire que l'on va explorer et d'évaluer de proche en proche la nature des rencontres que l'on y fait, la nature des connexions qui se font, la manière dont les choses fonctionnent, et à partir de là, la méthode se déploie d'une certaine manière, de manière immanente. Mais est-ce que ce n'est pas une manière contre-intuitive de procéder, C'est-à-dire, il y a quand même l'idée, quand on entre, de commencer quelque chose. Donc, vouloir dire qu'on se débarrasse d'un début ou d'un commencement, ça n'est qu'un slogan. On entre et on commence bien par quelque chose. Ou alors, l'idée de Deleuze de commencer par le milieu, au milieu de choses, semble... un petit peu fantasmé, dans la mesure où même si on commence au milieu des choses, on va bien revenir en arrière pour voir d'où ce milieu est parti, si je puis dire. Oui, et en même temps, on voit bien dans l'histoire de la philosophie qu'il y a d'une certaine manière, déjà d'exposer le savoir et la manière dont on découvre quelque chose. C'est quelque chose qui a été l'occasion d'une grande querelle dans les années 1950 entre deux grands spécialistes de Descartes, Ferdinand Alquier et Martial Guéroux, puisque Alquier, par exemple, disait que ce qu'il était important de mettre en lumière, l'ordre des raisons qui était prévalent, c'était l'ordre de la découverte. Et l'ordre dans lequel les choses se découvrent n'est pas le même ordre que l'ordre dans lequel nous exposons les choses une fois que nous les avons découvertes, en repartant d'un principe premier, ou en repartant des principes. Donc l'idée est de revenir, de reprendre cette idée de découverte pour Deleuze et Guattari, plus que d'exposition de principes. L'idée, c'est d'essayer de recoller d'une certaine manière la pratique de la philosophie avec la nature de l'expérience elle-même. Et l'expérience, c'est d'une certaine manière toujours l'exploration de territoires plus ou moins connus, parfois complètement inconnus, et dans lesquels nous sommes forcés de nous orienter, de trouver des repères, de discerner les chemins qui sont fréquentables, d'autres qui risquent d'être plutôt dangereux, les points de blocage, les issues. Et c'est cette pratique-là que désigne d'une certaine manière le rhizome. D'ailleurs, Mille plateaux est à l'image de cette philosophie ou de cette manière d'envisager la philosophie, à savoir c'est un livre quand même qui est débordant, qu'on pourrait commencer justement par le milieu, où on se dit qu'on ne va pas, que l'introduction est une introduction, mais en fait finalement on aurait pu commencer à la page 232. Ce livre-là, la manière rhizomatique de penser est mise en œuvre dans Mille plateaux. Ah, il y a de toute manière un effort prodigieux de la part de Deleuze et Guattari pour inventer une nouvelle forme d'expression philosophique. Alors ça, c'est déjà un ancien problème, ancien de manière toute relative, pour Deleuze, au sens où il avait déjà posé la question avant de rencontrer Guattari. Mais là encore, c'est probablement la rencontre avec Guattari qui a rendu possible l'invention de cette nouvelle manière d'écrire. Alors de ce point de vue-là, l'Anti-Oedipe, ils le reconnaissent volontiers, était un livre encore relativement académique, non seulement parce qu'il était organisé en chapitres, mais parce qu'il y avait un sens de lecture, une progression qui était clairement ordonnée. Mille plateaux est construit précisément de manière à éviter, à neutraliser ce genre de progression argumentative. Alors ça ne signifie pas qu'on peut prendre le livre au milieu de n'importe quelle phrase, de s'arrêter au milieu d'une autre et de sauter 200 pages. Mais ça signifie du moins que les différents plateaux, c'est-à-dire ce qui remplace dans mes plateaux les chapitres, ces différents plateaux n'ont pas de position, disons, fixe, puisque l'ordre de lecture peut être relativement varié, un peu interchangeable, et on peut inventer différents territoires, différents trajets, différents parcours dans ce livre. Ce qui est intéressant, Igor Kortolika, c'est que vous avez employé le terme d'effort pour parler de Mille plateaux et de la mise en œuvre par Guattari et Deleuze de cette pensée rhizomatique. Si c'est un effort, c'est que ça n'est pas si naturel que ça. C'est-à-dire que là, le modèle végétal du rhizome est un modèle qui peut sembler donc contre-intuitif, comme je l'ai dit, mais même peu naturel. C'est-à-dire ne pas commencer par le début, ou même tout simplement ne pas procéder par chapitre ou par principe pour la pensée telle qu'on l'apprend dès qu'on entre à l'école, est quelque chose qui n'est plus du tout automatique, ou j'ose le mot naturel, pour la pensée. Alors ça, c'est un grand thème ou un des grands paradoxes, on pourrait dire, de l'empirisme de Deleuze et Guattari. C'est que il faut un grand effort pour retrouver ce qui est le plus immédiat ou le plus naturel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les conditions, on pourrait dire, ordinaires dans lesquelles nous sommes amenés à penser ou à agir, sont des conditions qui sont, en fait, d'une certaine manière, déjà soumises à des présupposés, à des formes de représentation, d'illusion, de clichés qui nous coupent de ce qui est le plus naturel ou le plus immédiat. Et de ce point de vue-là, la philosophie, d'une certaine manière, dans sa dimension négative ou critique en tout cas, n'a pas d'autre fonction que de retrouver ce qui est le plus naturel et ce qui est le plus immédiat, mais qui ne nous est pas nécessairement donné dans les conditions ordinaires de l'expérience. Alors regarde bien, ici c'est ce que l'on appelle les racines d'ancrage. Et cette longue tige souterraine, c'est pas du tout une racine, c'est ce que l'on appelle un rhizome. T'as vu, ça ressemble un peu au chaume, c'est-à-dire qu'ici on trouve des nœuds et là il y a même des petits bourgeons. Et ce rhizome est lui-même alimenté par de longues racines qui peuvent descendre à 5 ou 6 mètres de profondeur. C'est curieux, non ? Et tu sais à quoi il sert, ce rhizome ? Un rhizome comme tige souterraine se distingue absolument des racines et radicelles. Les bulbes, les tubercules sont des rhizomes. Des plantes à racines ou radicelles peuvent être rhizomorphes à de tout autres égards. C'est une question de savoir si la botanique, dans sa spécificité, n'est pas tout entière rhizomorphique. Des animaux même le sont sous leur forme de meute. Les rats sont des rhizomes. Les terriers le sont sous toutes leurs fonctions d'habitat, de provision, de déplacement, d'esquive et de rupture. Le rhizome en lui-même a des formes très diverses, depuis son extension superficielle ramifiée en tous sens, jusqu'à ses concrétions en bulbes et tubercules. Quand les rats se glissent les uns sous les autres, il y a le meilleur et le pire dans le rhizome, la pomme de terre et le chien-dent, la mauvaise herbe. Animal et plante, le chien-dent, c'est le crabgrass. N'importe quel point d'un rhizome peut être connecté avec n'importe quel autre et doit l'être. C'est très différent de l'arbre ou de la racine qui fixe un point, un ordre. Il y a le meilleur et le pire dans le rhizome. Igor Kortelika, nous venons d'entendre encore un extrait de l'introduction Rhizome à mille plateaux, le texte de 1980 de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Cette idée de meilleur et de pire dans le rhizome est intéressante parce que ce n'est pas seulement une redéfinition de la philosophie sur le modèle rhizomatique que Gilles Deleuze et Félix Guattari tentent de mettre en œuvre, c'est aussi, on pourrait dire, une redéfinition d'une certaine morale. Le fait de mettre au même niveau à la fois ce qui aurait de meilleur ou de pire dans la terre, dans la pensée, dans ce qu'on rencontre, dans toutes les choses. Comme dans l'expérience d'ailleurs, il ne s'agit pas du tout pour Deleuze et Guattari de susciter une opposition ou un dualisme manichéen du type le fondement, la racine, c'est mauvais, et le rhizome, c'est le synonyme du bon. Au contraire, de la même manière que dans l'expérience, il y a le meilleur et le pire, dans le rhizome, il y a le meilleur et le pire. Mais c'est peut-être l'occasion, le moment de revenir à l'importance d'André-Georges Audricourt dans toute cette histoire. Parce qu'on pourrait quand même légitimement se poser la question de savoir pourquoi est-ce que, ou comment est-ce que le rhizome en est venu à servir de paradigme ou de schème pour penser toutes ces questions-là. Alors, André-Georges Audricourt a joué probablement un rôle décisif dans cette histoire. Alors, c'est un anthropologue, comme je le disais, relativement méconnu, féru d'ethnobotanique et d'ethnozoologie, qui était doté d'une connaissance encyclopédique et qui a jeté des ponts entre différentes disciplines, notamment en formulant des hypothèses fulgurantes et audacieuses. Et parmi ces hypothèses, il y en a une qui l'a posé dans deux articles que j'évoquais tout à l'heure du début des années 60, notamment un qui s'intitule « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui ». Alors, quelle est cette hypothèse? C'est, dit Audrey Court, qu'il y a une correspondance entre le rapport de l'homme et la nature, le traitement de la nature, et le rapport entre les êtres humains. Autrement dit, il y aurait une série de correspondances entre la manière de cultiver les plantes et de se rapporter aux animaux domestiques d'un côté, et la manière de se rapporter à autrui dans la sphère sociale et politique. Alors c'est une hypothèse qui va jouer un grand rôle dans le développement des thèses de l'anthropologue Philippe Descola, hein, qui occupe aujourd'hui la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, notamment parce que c'est une idée qui l'hypothèse d'Audrey Court, c'est une idée qui a mis Descola sur la voie d'une anthropologie de la nature, au sens où il apparaissait clair que l'on pouvait désormais traiter les relations à la nature comme des relations sociales, parce que l'ensemble de ces relations exprime des schèmes anthropologiques, on pourrait dire transversaux ou intégrateurs. Alors Audrey Court, lui, dans cette histoire, et dans cet article notamment, distingue deux schèmes ou deux modes d'action. Un mode d'action qu'il appelle l'action indirecte négative, qui prévaut en Orient, et l'action directe positive, qui prévaut plutôt en Occident. Alors, l'action directe positive, c'est celle qui nous est la plus familière, ça consiste à agir directement sur un individu, en contact permanent avec lui, de manière à orienter et à contrôler son développement. Le modèle ou l'archétype pour Audrey Court de ce type d'action, l'action directe positive, c'est l'élevage du mouton dans la région méditerranéenne, hein, puisque le berger mène ses moutons en contact permanent et direct avec eux, oriente, décide des endroits où ils vont paître, des endroits où ils vont boire, les protège des prédateurs et ainsi de suite. D'un autre côté, l'action indirecte négative est un tout autre mode d'action, dit Audrey Court, parce que c'est un mode d'action qui consiste non pas à agir directement et en contact permanent sur l'individu, mais c'est un mode d'action qui consiste à favoriser les conditions de l'épanouissement d'un individu, non pas en agissant directement sur lui, mais en aménageant son environnement. Et l'exemple, l'archétype que prend Audrey Court, c'est précisément la culture de l'igname et la culture des tubercules et des rhizomes en général. Audrey Court est d'ailleurs citée hein, dans l'introduction de Mille Plateaux, au moment où Félix Guattari et Gilles Deleuze disent ceci. « N'y a-t-il pas en Orient, notamment en Océanie, comme un modèle rhizomatique qui s'oppose à tous égards au modèle occidental de l'arbre ?» André-Georges Audrey Court y voit même une raison de l'opposition entre les morales ou les philosophies de la transcendance chère à l'Occident, celle de l'immanence en Orient. Le Dieu qui sème et qui fauche par opposition au Dieu qui pique et déterre, la piqûre contre la semaille. Oui, et ils ajoutent plus loin, est-il absurde de se demander si les dieux qui commandent, les morales qui ordonnent, les philosophies qui transcendent n'auraient pas quelque chose à voir avec le mouton par l'intermédiaire d'une prédilection pour les modes de production esclavagistes et capitalistes? Et si les morales qui expliquent et les philosophies de l'immanence n'auraient pas quelque chose à voir avec l'igname, le tarot et le riz, par l'intermédiaire des modes de production de l'Antiquité asiatique et du féodalisme bureaucratique. Alors, il est évident que chez Audrey Court, cette distinction entre Occident, ou disons Europe au sens large, et Orient, et notamment Chine et espace mélanésien, est une distinction relativement schématique. Cette distinction entre des pensées et des morales de la transcendance d'un côté, et des pensées et des morales de l'immanence de l'autre. Et c'est une des raisons qui explique tout l'intérêt que Deleuze et Guattari vont porter à l'Amérique. Pourquoi? Eh bien parce que, d'après eux, précisément, l'Amérique fait justement pivot renverse ce rapport entre l'Occident et l'Orient. Alors ils diront à cette époque, à l'époque où ils écrivent Rhizome, toute l'importance de la littérature anglaise et américaine. Pourquoi? Parce que, disent-ils, c'est une littérature du mouvement, c'est une littérature de la fuite parfois, du processus, c'est une littérature de l'exploration, notamment la littérature américaine. Et voilà ce qu'ils disent à propos de l'Amérique, qui joue le rôle de pivot entre l'Orient et l'Occident, il faudrait faire une place à part à l'Amérique, hein, dans cette opposition de l'Orient et de l'Occident. Mais ce ne sont pas en Amérique les mêmes directions. C'est à l'Est que se font la recherche arborescente et le retour au vieux monde, hein, c'est-à-dire les racines européennes. Mais l'Ouest rhizomatique, avec ses Indiens sans ascendance, sa limite toujours fuyante, ses frontières mouvantes et déplacées, l'Amérique a inversé les directions. Elle a mis son Orient à l'Ouest, comme si la Terre était devenue ronde, précisément en Amérique. Ce n'est pas l'Inde, comme croyait Audricourt, qui fait l'intermédiaire entre l'Occident et l'Orient. C'est l'Amérique qui fait pivot et mécanisme d'inversion. Ce qui est intéressant avec la convocation de André-Georges Audricourt dans cette idée d'opposition entre Orient et Occident, mais abolie par l'exemple de l'Amérique, c'est qu'on voit bien que la nature, on va dire de manière un petit peu schématique, la nature n'est pas seulement un modèle de pensée, mais le rapport à la nature est véritablement la source, plus qu'un modèle extérieur, la source pour réenvisager des rapports à l'autre, des rapports politiques, des rapports sociaux, des rapports économiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste plaquer un modèle naturel sur un modèle culturel. L'idée n'est pas là, mais l'idée de penser quelque chose de beaucoup plus inclusif. Oui, alors c'est ce que Descola appelle par exemple des schèmes intégrateurs. Et il souligne bien une chose, pour éviter les malentendus, c'est que Audricourt laisse complètement de côté la question de savoir ce qui est cause et ce qui est effet. Est-ce que c'est plutôt le rapport à la nature qui est la cause des rapports politiques ou l'inverse? Est-ce que ce sont les rapports politiques ou sociaux qui sont projetés sur la nature de manière anthropomorphique? Ce que fait Audricourt, ce que va faire Descola et ce que font aussi Deleuze et Guattari, c'est essayer de déterminer, disons, des schèmes intégrateurs ou à travers une série d'homologies ou de correspondances. Du point de vue du rapport aux plantes, il y a la différence entre la culture des plantes à tubercules, comme l'igname par exemple, et la culture des plantes céréalières, notamment le blé en Occident. Du point de vue du rapport aux animaux d'élevage, aux animaux domestiques, il y a la différence entre l'élevage des buffles ou des rennes par exemple dans les steppes, par exemple en Sibérie encore aujourd'hui, et l'élevage du mouton ou du bétail en Europe en Orient, en Asie mineure. Et de même encore, dans le rapport politique, dans les rapports entre êtres humains, c'est la différence entre, en Orient, en Chine, l'exemplarité du sage, dit Audricourt, et en Occident, le chef qui commande, et le modèle du commandement, le modèle du chef en Occident, c'est le berger qui guide son troupeau, hein, c'est-à-dire, depuis l'Antiquité, le chef, c'est le pasteur des hommes. Et donc on voit bien que différence entre deux schèmes que propose Audricourt, c'est une différence qui se déploie à tous les niveaux de l'existence. Et Deleuze et Guattari vont reprendre cette idée de schème intégrateur ou de schème, disons, transversal pour distinguer ces deux modèles qu'ils baptisent rhizome et racine. Et dont on voit, évidemment, vous le disiez, l'enjeu immédiatement historique et politique, puisqu'il s'agit de critiquer un modèle transcendant, despotique, qui trouve sa réalisation dans l'État, et un modèle, disons, immanent, processuel, qui va trouver à se réaliser, à s'effectuer dans les sociétés nomades auxquelles Deleuze et Guattari vont s'intéresser de manière très intense à cette époque. Alors justement, Igor Kortolika, je vous propose d'écouter un extrait de Traité de nomadologie de Gilles Deleuze et Félix Guattari, toujours dans Mille plateaux. Pour le nomade, c'est la déterritorialisation qui constitue le rapport à la terre. la terre cesse d'être terre et tend à devenir simple sol ou support. La terre ne se déterritorialise pas dans son mouvement global et relatif, mais dans des lieux précis, là même où la forêt recule et où la steppe et le désert gagnent. Le nomade habite ces lieux, il reste dans ces lieux et les fait lui-même croître au sens où l'on constate que le nomade fait le désert non moins qu'il est fait par lui. Il est vecteur de déterritorialisation. Il ajoute le désert au désert, la steppe à la steppe, par une série d'opérations locales dont l'orientation et la direction ne cessent de varier. Le désert de sable ne comporte pas seulement des oasis, qui sont comme des points fixes, mais des végétations rhizomatiques, temporaires et mobiles en fonction de pluies locales et qui déterminent des changements d'orientation de parcours. C'est dans les mêmes termes qu'on décrit le désert des sables et celui des glaces. Aucune ligne n'y sépare la terre et le ciel. Il n'y a pas de distance intermédiaire, de perspective ni de contour. La visibilité est restreinte. Le nomade, l'espace nomade, est localisé, non pas délimité. J'ai toujours été fasciné par les nomades, mais c'est précisément parce que les nomades, c'est des gens qui ne voyagent pas. Ceux qui voyagent, c'est les émigrants. Il peut y avoir des gens extrêmement respectables qui sont forcés de voyager. Les exilés, les émigrants, ça c'est un genre de voyage alors dont il n'est pas question de se moquer, parce que c'est des voyages sacrés, c'est des voyages forcés, c'est des voyages... très bien. Mais les nomades, ils ne voyagent pas, quoi. Les nomades, au contraire... À la lettre, ils restent immobiles. C'est-à-dire, tous les spécialistes des nomades le disent, c'est parce qu'ils ne veulent pas quitter. C'est parce qu'ils s'accrochent à la terre. C'est parce qu'ils s'accrochent à leur terre. Leur terre devient déserte et ils s'y accrochent. Et ils ne peuvent que nomadiser dans leur terre. C'est à force de vouloir rester sur leur terre qu'ils nomadisent. Donc, en un sens, on peut dire rien n'est plus immobile qu'un nomade. Rien voyage moins qu'un nomade. C'est parce qu'ils ne veulent pas partir qu'ils sont nomades. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Vous venez d'entendre la voix de Gilles Deleuze dans son abécédaire V comme voyage. Et juste avant, lu par le comédien Vincent Schmitt, un extrait traité de nomadologie dans Mille plateaux de Gilles Deleuze et Félix Guattari. C'est très intéressant cette idée, Igor Kortolika, d'un mouvement, pour reprendre en fait les termes de Guattari et Deleuze, cette philosophie du mouvement qui pourtant pourrait être immobile, comme le montre par exemple la figure du nomade. Comment comprendre ce paradoxe d'un mouvement qui pourrait être immobile ? Je crois que ce que essaye de souligner Deleuze dans ces passages-là, c'est que le nomade, à la différence du voyageur, disons, mobile, est quelqu'un qui ne se pose pas du tout la question du début et de la fin du voyage. Et donc, c'est dans ce sens-là que ce qui est premier, ça n'est pas nécessairement le mouvement au sens du déplacement ou de la translation d'un point à un autre. En fait, ce qui est en jeu dans la différence entre le nomade, le nomadisme et, disons, l'État, c'est de manière tout à fait différente d'occuper l'espace. Alors là, on peut reprendre l'exemple que j'évoquais tout à l'heure de l'Amérique. On voit bien dans toute l'histoire du Western, par exemple, comment s'affronte au moment de la conquête de l'Ouest de conceptions, de modes d'existence tout à fait différents. Ceux qui veulent faire paître leurs troupeaux dans des espaces ouverts, illimités, et ceux qui veulent clôturer, mettre des fils barbelés, s'approprier la terre, délimiter, établir un cadastre, des titres de propriété, des rentes, des systèmes de profit, et ainsi de suite. Et là, on voit comment deux Amériques s'affrontent. Et derrière ces deux Amériques, ce sont deux conceptions de l'existence, de modes d'existence qui rejoignent ou qui recoupent cette distinction que proposent Deleuze et Guattari entre société à État et société nomade. Mais est-ce que l'idée d'une société nomade est-elle peut-elle être autre chose qu'une idée ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut véritablement la mettre en œuvre ? C'est-à-dire que cette idée sociale, mais aussi politique, et pas seulement végétale, avec l'idée de ce rhizome qui, quand on y pense, peut aussi rester sur place, être en mouvement tout en restant sur place, proliférer et croître tout en restant au même endroit. Est-ce que ce ne sont pas des idées vouées à rester à cet état d'idée ? C'est-à-dire comment on peut envisager une politique nomade ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça voudrait dire d'être nomade aujourd'hui ? À quoi pourrait ressembler une politique nomade ? C'est-à-dire avec des chefs sans autorité ou alors peut-être sans chef du tout ? Qu'est-ce que c'est, selon vous, une politique nomade, Igor Kortolika ? Bon, là, je crois qu'il faut quand même repartir d'un effet d'optique qui est tout à fait puissant. C'est que l'histoire a été écrite, et Deleuze et Guattari le soulignent à l'envi, l'histoire a été écrite du point de vue des sociétés sédentaires et du point de vue des États. Et donc, il y a un effet d'optique qui consiste à faire croire ou à donner l'impression que l'histoire se confond avec l'histoire des États. Mais en réalité, on a, pour peu qu'on n'ait des sources qui le documentent, il y a une histoire des sociétés nomades qui est une histoire très longue et en réalité beaucoup plus longue que celle des sociétés à État. Alors dans l'histoire, disons, relativement récente, il y a toutes les sociétés nomades d'Asie orientale, dans les grandes steppes mongoles, hein, et il y a des historiens, notamment René Grousset, qui se sont intéressés à cette longue histoire où s'affrontent des sociétés nomades mongoles avec l'Empire chinois. Et on pourrait dire de même dans l'Antiquité européenne, entre l'Empire romain civilisé et les barbares venus d'Orient, nomades, qui sont des destructeurs d'empires. Bon. Et en fait, si on remonte dans l'histoire, on se rend compte que l'État est une apparition, un type d'organisation sociale tout à fait récent. L'anthropologue anarchiste James Scott, dont j'aimerais dire quelques mots. Donc c'est un anthropologue américain dont le livre Homo Domesticus est sorti en français l'année dernière. Voilà, ouais. Alors il appartient à une lignée d'anthropologues qu'on dit anarchistes comme Marshall Salins, Pierre Clastres, David Graeber, parce que ce sont des anthropologues qui ont étudié non seulement le pouvoir, mais les formes d'opposition au pouvoir, et notamment au pouvoir central, au pouvoir d'État. Alors James Scott, lui, est un spécialiste plutôt de l'Asie du Sud-Est et il s'était intéressé à une zone qu'on appelle Zomia, qui se situe aux confins de la Chine, du Laos, du Vietnam. Il s'était intéressé à toutes les modes de résistance à l'emprise étatique dans cette région-là. Et il montrait notamment que là-bas, ces sociétés qui cherchent à échapper au pouvoir d'État, privilégie une agriculture de tubercules, là encore, qu'il appelle une culture d'évitement de l'État, par opposition à la monoculture céréalière, qui est une agriculture typique de l'État. Alors c'est là que lui est venue l'idée, ou disons la question, de savoir comment s'est formé l'État et sous quelles conditions. C'est une question qui est d'autant plus importante pour un anthropologue ou un historien que, en réalité, si on prend un peu de perspective, on se rend compte que, il y a 4 siècles à peine, un tiers seulement de la population mondiale vivait dans de véritables états. Et à l'échelle de l'histoire humaine, si on remonte, disons, au début d'Homo sapiens, l'histoire des états occupe à peine 0,2% de la vie politique de notre espèce. On pourrait dire, et c'est ce que suggère James Scott, c'est que, en fait, tout le reste de l'histoire, c'est l'âge d'or des barbares. Alors, c'est évidemment une formule délibérément provocatrice. Mais qui conduit James Scott à se poser la question de savoir comment est apparu l'État et sous quelles conditions. Et lui montre très bien que, au moment de la révolution néolithique, s'opère la combinaison entre deux choses, entre une révolution agricole, c'est-à-dire le développement d'une agriculture sédentaire et céréalière, et une révolution urbaine, la naissance des premières villes et des premières cités-états. Et la thèse de James Scott, c'est quoi ? C'est que c'est l'agriculture céréalière sédentaire qui a rendu possible l'État, et qu'en retour d'ailleurs l'État a favorisé, Pourquoi? Eh bien, parce que les céréales sont, pour James Scott, des plantes qui sont tout à fait adaptées au prélèvement fiscal. Ce sont seulement les céréales qui peuvent servir de base à l'impôt, parce que ce sont des plantes qui sont visibles, qui sont divisibles aussi, qui sont facilement évaluables, qu'on peut stocker, qui sont récoltées à des moments fixes de l'année, alors qu'on ne peut pas du tout en dire autant des tubercules et des rhizomes. Et James Scott dit, l'histoire n'a pas enregistré l'existence d'état du manioc, du sagou, de l'igname, du taro, du plantain ou de la patate douce. James Scott, de ce point de vue-là, c'est tout l'enjeu de Homo Domesticus, qu'il a publié en 2017 et qui a été traduit donc l'année dernière en français, c'est que l'histoire de l'État est liée organiquement à l'histoire de l'agriculture céréalière. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre anglais est un peu plus parlant que le titre français, parce que le titre anglais de ce livre, c'est « Against the Grain », contre le grain, c'est-à-dire contre les céréales. Mais par exemple, ça dépend aussi d'un certain nombre de conditions météorologiques ou agricoles pour cultiver certains types de plantes. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose de délibéré? C'est-à-dire que la manière dont vous en parlez, Igor Kortolika, c'est que le type d'agriculture va produire une certaine organisation politique. On est d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il y a une volonté délibérée, en fait, de favoriser telle agriculture plutôt qu'une autre, pour pouvoir justement contrôler la population, produire une forme étatique d'organisation politique? Parce que par exemple, les tubercules, ça peut être aussi, on peut aussi avoir la culture par exemple de la pomme de terre et pour autant vivre dans un état. Alors c'est là où il y a une ambiguïté sur tel type d'agriculture produit-elle forcément tel type d'organisation politique? Alors, là encore, il n'y a pas de rapport direct de cause à effet, mais ce que dit James Scott et ce que disent d'autres anthropologues et surtout d'ailleurs des archéologues et des préhistoriens, c'est que c'est un type d'agriculture qui rend possible l'apparition de l'État dans la mesure où l'État repose sur le fonctionnement de l'État, repose sur le prélèvement fiscal, c'est-à-dire sur l'impôt. Or, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour le prélèvement fiscal dans les agricultures de tubercules. Et pourquoi? Parce que ce sont des agricultures où la plante est souterraine, dont on peut prélever, récolter qu'une partie, qu'il est difficile de diviser de manière à prélever une certaine part, qui est beaucoup plus difficile à transporter également. Donc, en fait, ce qui est en jeu, c'est surtout que la céréale rend possible l'apparition de l'État. Oui, c'est pas tant une relation de... Ensuite, l'État va favoriser. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Allez-y, pardon. Et ensuite, l'État va favoriser en retour ce genre d'agriculture, puisque c'est ce genre d'agriculture qui lui rend possible et un contrôle de la production et un contrôle des hommes qui produisent. Est-ce que ce serait possible d'imaginer, et comment, Igor Kortolika, une politique qui soit rhizomatique? C'est-à-dire où, effectivement, on pourrait encourager d'autres types d'agriculture, ou même sans cela, imaginer une autre organisation politique avec plus du tout de hiérarchie, plus de chef, plus d'autorité, une forme de pouvoir, en fait, qui n'aurait plus un côté, une autorité sans autorité, en fait. Bon, ça, c'était un vaste problème d'anthropologie politique mais il y a toute une gamme, toute une variété d'organisations sociales qui conjurent, qui visent à empêcher l'apparition d'un pouvoir de type despotique ou étatique. Dans le cas des sociétés primitives, c'est quelque chose qu'avait bien étudié Pierre Clastre dans La société contre l'État, en montrant que le fonctionnement des chefferies, notamment en Amazonie, est organisé de manière à empêcher l'apparition d'un pouvoir de type coercitif, qui est celui qui prévaut dans les monarchies, c'est-à-dire un pouvoir souverain. Mais en fait, ce qui est en jeu, ce qui est important, c'est que, en réalité, l'État est une construction tout à fait fragile et tout à fait récente pour les anthropologues anarchistes et pour Deleuze et Guattari. Et donc, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que il y a encore aujourd'hui dans toutes les franges de résistance à l'État des types d'organisations alternatifs. Donc, il ne s'agit pas de les rêver ou les fantasmer comme une idée ou une utopie toujours à venir, mais de montrer qu'il y a des mouvements réels de résistance à l'État ou des mouvements d'organisation alternatifs qui produisent d'autres formes d'organisation, de pouvoir ou de coexistence sociale qui ne suivent pas du tout le modèle étatique. Et c'est précisément à cela que s'est intéressé James Scott dans son travail sur la Zomia, qui est un phénomène, qui est un territoire actuel. Deleuze et Guattari avaient en tête ces formes de pouvoir sans autorité. Est-ce qu'ils pensaient à des exemples en particulier ? On sait qu'ils ont vécu mai 68. Est-ce que pour eux, il y a eu là quelque chose qui permettait d'entrevoir une autre manière de s'organiser politiquement, de lier des revendications diverses, qu'elles soient de l'ordre des minorités, des revendications raciales, sexuelles, politique, économique, est-ce que là, ils ont eu ils y ont vu l'opportunité de penser autrement qu'en termes de hiérarchie et d'État, une organisation politique ? Là, on peut dire que c'est le grand problème de Guattari. Guattari est quelqu'un qui avait une très grande activité militante très tôt, qui, quand il a rencontré Deleuze, a continué ses activités militantes. Et Guattari qui participait à beaucoup de groupes, beaucoup d'organisations, ne cessait de poser la question de savoir comment est-ce que ces groupes révolutionnaires, par exemple dans l'après 68, comment faire en sorte que ces groupes ne reproduisent pas un mode d'organisation qui est celui du parti ou de l'État, c'est-à-dire un fonctionnement centralisé, hiérarchisé. Et c'était un problème tout à fait brûlant, hein, donc dans les années de l'après 68, début des années 70 notamment, d'essayer d'inventer des formes d'organisation militante, des types de groupes et d'articulation entre les différents groupes, comme vous le disiez, les groupes, disons, ouvriers, les groupes féministes, les groupes de défense des droits des minorités et ainsi de suite, des formes d'articulation qui ne reproduisent pas l'organisation ou la forme de l'État, disons, pyramidal. C'est une question qu'on a pu se poser aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, assez récemment. C'est une question qui s'est posée et qui se pose en réalité à chaque fois que des mouvements de ce type se mettent en place. On pense évidemment aux Gilets jaunes, on pourrait penser aussi à Nuit Debout. Et alors, est-ce que là, on peut y voir non pas un échec de Deleuze et Guattari, les pauvres n'y sont pour rien, mais néanmoins cette idée quand même d'une philosophie politique sur le modèle du rhizome, on voit bien qu'elle est quand même assez difficile à mettre en œuvre parce qu'on a du mal à se débarrasser aussi d'une manière arborescente, je ne sais pas comment le dire, principielle de penser, mais aussi en fait d'agir collectivement. Alors ça, c'est effectivement, là encore, une des difficultés principales, c'est que nous sommes nous-mêmes, d'une certaine manière, gangrénés, ou en tout cas, notre esprit est occupé par ce modèle de l'État qui fait que nous concevons difficilement un type d'organisation et un type d'histoire aussi qui ne soit pas celui de l'État. Mais c'est précisément l'enjeu, notamment du travail de Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux, que d'essayer de renverser cet ordre des choses, de faire prévaloir une autre conception, alors peut-être de l'histoire, ou en tout cas du mouvement, qui n'est plus un mouvement de développement, mais qui est un autre type d'occupation de l'espace, une nouvelle manière d'explorer les territoires, une nouvelle manière d'organiser sa propre existence et qui suscite aussi bien d'autres modèles. Merci beaucoup Igor Kortelika. On se quitte avec une chanson à laquelle vous teniez. Old man river, old man river, must know something. Don't say nothing, he just keeps rolling, keeps on rolling along. He don't plant taters, don't plant cotton. Them what plants him are soon forgotten. But old man river just keeps rolling along. You and me, Merci beaucoup Igor Kortolika. Je rappelle que vous avez écrit Gilles Deleuze en Que sais-je au PUF, c'est paru en 2015. On se quitte avec cette chanson à laquelle vous teniez, All Man River. On aura l'occasion de vous entendre une autre fois, pour de vous réinviter, pour que vous nous disiez pourquoi vous teniez à cette chanson. Hélas, nous n'avons plus le temps. Et on va se retrouver tout de suite. Vous écoutez France Culture, on retrouve tout de suite Aurélien Bélanger pour sa chronique philo. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Géraldine. Peut-on faire une philosophie du chien? Ah, c'est une question embarrassante, car je crois que la philosophie du chien existe, mais qu'elle a pris la forme d'une hérésie, voire carrément d'un blasphème. La philosophie du chien, c'est la forme laïcisée et terminale sous laquelle nous supportons encore le christianisme, cette religion d'amour autrefois fameuse en Occident. Pur amour et pure dévotion à son maître, le chien d'aujourd'hui remplace à minima les crucifix longtemps présents dans nos intérieurs. Je remarque d'ailleurs qu'à la campagne, là où les crucifix sont encore présents au-dessus des cheminées, le chien n'a pas tout à fait sa place dans les intérieurs et dort souvent dans une remise. Ce chien des campagnes possède d'ailleurs encore une utilité. Il chasse les souris et effraie les voleurs. Il n'est pas encore pur amour comme le chien des villes. Vous dites que le chien des villes ne remplit plus qu'une fonction religieuse, c'est ça? C'est ça, il est là non plus pour nous protéger d'une menace extérieure, mais d'une menace intérieure, typiquement la solitude. Il ne sert plus qu'à cela, à nous témoigner de l'affection, comme on dit pudiquement, en réalité de l'amour. Alors que les mystères de l'Eucharistie ont délaissé nos vies, on assiste peut-être, et je le dis sans ironie, à une forme ultime de croyance en la transsubstantialisation de l'hostie, quand on voit, la nuit, sur les trottoirs, des humains accepter de ramasser, au nom de l'amour, des crottes encore chaudes dans des sacs réversibles. Je ne crois pas qu'on ait construit, à Paris, une seule chapelle en 20 ans, mais les budgets participatifs abondent en projets de canicite, et on ne comprendrait rien à l'exceptionnelle réception de Houellebecq par la société française si on négligeait d'en faire le prophète le plus actif de cette laïcisation canine et terminale du catholicisme. Le corgi Clément, dont on a pu visiter le mausolée à l'ironie douteuse au palais de Tokyo, et dont on peut saluer la tombe au cimetière canin d'Anière, a vu sa vie spectaculairement mise en scène par l'écrivain comme une cérémonie d'adieu au catholicisme, toute la charité du Christ finissant dans la toison orange du médiatique corgi Clément. La fille aînée de l'église est devenue, dans la douceur, le pays de 30 millions d'amis, et à la madrague, Saint-François d'Assise s'est ressuscité en Brigitte Bardot. N'êtes-vous pas un peu cynique, Aurélien ? Mais pas du tout, car j'adore les chiens, et le mien s'appelait Elliot, et je suis même certain qu'il avait une âme, et que je le reverrai un jour. Mais oui, vous avez raison, je suis cynique au sens étymologique du terme. En fait, la philosophie du chien ne vous intéresse pas tant que cela, c'est la théologie du chien qui vous préoccupe. Oui, car les hérésies m'angoissent, c'est ma façon particulière de demeurer malgré tout un peu orthodoxe. Je suis par exemple terriblement gêné par la communication de la NASA vis-à-vis de ces rovers martiens. On dirait à chaque fois que les scientifiques qui les promènent là-bas au bout d'une longue laisse gravitationnelle redécouvrent le chien. Ils traitent vraiment leurs robots comme des choses affectueuses et vivantes. Ma théorie serait que l'humanité se pardonne encore moins d'avoir sacrifié Leica à la conquête spatiale que d'avoir autrefois crucifié le Christ. Elle pourrait être là l'explication de notre culte un peu déviant du chien, ou plutôt il faudrait réussir à faire avec le chien ce qu'on arrive à peu près à faire avec la technique, un raccourci à la Kubrick entre le premier outil apparu et le plus futuriste des vaisseaux, sauf que ce serait un sentiment d'obédience religieuse que nous aurions confié à ce cousin du loup au commencement du temps, un vague besoin de protection qui se serait au fil du temps hypostasié en religion, mais c'est un peu compliqué car du chien comme parodie du Christ, on passerait au Christ comme parodie du chien. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique philo est à réécouter sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Clara de Giovanni qui a préparé cette émission, Manon de la Selle, Avril Poignant Le Goff, Adèle Vendrette que vous retrouverez très bientôt à ce micro, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Esther Valenchik à la réalisation avec à la prise de son Audrey Guélil et Vincent Schmitt à la lecture des textes. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre semaine sur le thème du végétal. Et demain, nous serons en compagnie de Françoise Court-Pérez pour parler du roman de Huysmans, À rebours, ce roman où les fleurs deviennent monstrueuses. Rendez-vous également sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour suivre nos programmes et nous laisser vos commentaires. France Inter présente le livre Affaires sensibles de Fabrice Drouel. Explorez 25 histoires qui ont marqué ces 50 dernières années, le match de football entre la RFA et la RDA, la traque de Klaus Barbie ou encore l'affaire Jacqueline Sauvage. Affaires sensibles, un livre France Inter.